Quand on passe à côté des vitrines, dans les publicités de tous les magazines, il y a une chose qu'on trouve pas et qu'on trouvera jamais. Si vous savez pourquoi, ben cette chose c'est un petit baiser des deux côtés, un gros câlin, ça coûte rien. C'est pas demain la veille qu'on aura tout ce qu'on veut. On attendra Noël pour avoir un petit peu, que l'on ait les moyens de s'offrir plein de choses, ou qu'on n'ait presque rien, il reste quelque chose, un petit baiser des deux côtés, un gros câlin, ça coûte rien. Quand les poches sont vides et qu'on n'a pas le sou, quand les coffres sont vides et qu'on n'a rien du tout, riche ou dans la purée, on en veut tous un peu. Et moi si je pouvais, j'en voudrais un gros peu. Un petit baiser, des deux côtés, un gros câlin, ça coûte rien. Quand on passe à côté des vitrines, dans les publicités de tous les magazines, il y a une chose qu'on trouve pas et qu'on trouvera jamais. Maintenant vous savez quoi, ben cette chose c'est un petit baiser des deux côtés, un gros câlin, ça coûte rien. Un petit baiser des deux côtés, un gros câlin, ça coûte rien, ça coûte rien.